Allez, c'est pas cher là aujourd'hui. Allez, dans les kilos, Alvaro. Allez, profite. Est-ce que vous voulez un petit sachet maintenant? 1 plus 1, 2, plus la TVA, 12 euros. Allez, madame. 1 euro et 1,50€, on débarrasse, allez, profite. T'achètes, tu fais des cadeaux, t'achètes, tu revends.